Moi qui me suis toujours plaint de n'avoir jamais rien reçu de la part du Très-Haut, je me retrouve aujourd'hui comblé pour avoir rencontré Coco, l'incarnation du bonheur. C'est vrai que tout vient à point, à qui sait attendre. Toi et moi, on s'est donné Coréa pour l'amour du ciel. Toi et moi, on s'est donné Coréa pour l'amour du ciel. L'amour est un roman dont l'histoire en est le plaisir. Mon cœur est un royaume dont le trône t'appartient. Martin. Coco yo lingi na wae, Coco. O lingi na kufae, Coco. Kitoko na ngai, esili na miso na yo na komi kainye. Nga lisumu nini na sala. Pamba mama ye, joto nyoso, yokangana minyololo. Chance boyinga koko, koko. Nalelie, nalelie, nalelie. La décision y a ma bena monte manayo wa mie dena zuirezo koko. Inspecteur Mungouba fidèle, koko yo lingi na wae, koko o lingi na samboye, koko e kitoko na ngai. Coco, ma petite sœur, rappelle-toi quand on était unis et soudés dans la paix, la confiance et la sérénité. Et surtout, n'oublie jamais les liens qui nous unissent. Mamote manayo et Coco sali le passé. Soki na lana ki maloba moya batombe na salabaki. Si mamote ma pembe et boya masumu. Et la pabakisi. Ton frère Loulou qui pense fort à toi. Et t'aimer encore l'amour de ma vie. Ce n'est pas un hasard. Ça s'appelle Coco, mon amour. Oncle Viking Ntsumu, tata ma passa. Et t'aimer encore l'amour de ma vie. Nalingi mama otalanga na misu po yebake na tondi na susi na motema nanga Martin. Yo inonde motema nanga na bolingo yo tika ta esika ya pemate ani ekoma enemi po ekabolakanga na yo e. Jean-Michel Aubameyang, président. Moliero, Moliero, Amisi Kimbeni, Jampi, Pipina, Roger Tulampata. Fosse Mia Moliero, Venya Kinya Mia Kaza, Desha Kufuza o Disculpaso. Rodiae, Venya Melanco, L'amour de ma vie, Ce n'est pas Eaza, C'est Zapel Coco, mon amour. T'aimer encore, l'amour de ma vie, ce n'est pas un hasard, si elle s'appelle Claudia, mon amour.